Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonne journée, mes chers amis. Voilà, excusez-moi, j'ai testé juste le son parce qu'on a utilisé notre méthode. Voilà, merci. Une fois de plus, merci. Merci pour nos alavana. Et à éviter, s'il faut les rappeler à tout moment que Yakopesaka, merci pour vos alliés. Mais il semblerait que les alliés, manière à malam, Yako remercier toujours s'il y a des gens qui se sacrifient. Pour que Baya Kolandayo, Batiki Misala, Baya Kolandayo, il faut les remercier. Donc, bah merci Nabiso et Paina Bino. Et Bandeko O, Bazali na YouTube, parce que vous avez Kanga Malamo, sans les Ali Malamo, vous signalez Ngai, parce qu'elle a utilisé une autre façon, il y a transmission, il y a son donc. Voilà, toujours pour les Congo. YouTube, je vous vois, mais je ne sais pas beaucoup ils signalent ngai ceux qui sont isolés, madame. Sur YouTube, s'il vous plaît. Oui, sur Facebook, ça va, ça pose pas de problème. Mais le problème, c'est sur Facebook. Voilà, merci beaucoup Wambalelo, merci, c'est gentil. Merci cher ami. Voilà, merci. Toye, comme d'habitude, commenter, copier sa point de vue Nabiso sur l'actualité de notre pays. Et tout comme ici, koyo na er ya pose nyonso, tout comme ko dédié à Angola Congo. Surtout aux alliés, moi, 1 heure, ya pose. Tous allez qu'au dédié yango na Congo. Alors, Babandi déjà, prof y a réseaux sociaux, oui, c'est très bien. Président Nabino Piazaï na réseaux sociaux Nabiso. Na évité ce qui bobenga yepe, président y a réseaux sociaux parce qu'il est toujours là. Ngam na lobby yango, te yemo kwa loba yango. Directeur des cabinets na yepe à loba yango. Et moi, ce que je sais, les professeurs, les lots, bazar réseaux sociaux. Ceux qui m'ont dit que les professeurs à Congo, bazar réseaux sociaux, c'était Mawa, bon, les gars, déjà. Parce que les recherches, maintenant, bah, recherche tout. Investigation, nuance, les autres salamandres à réseaux sociaux. Alors, ceux qui n'ont pas prof à réseaux sociaux, c'est qu'ils n'ont pas un bon professeur. Ah oui, hein? Ah oui, Nazali Koutouna Sengona a annoncé, avant tout le monde, on a annoncé que parmi les étudiants Nabiso, au Totangisi, 6, comme bah, docteur. Donc, samedi, diplôme Nabango, il y a docteur. 6, comme bah, docteur. Voilà. Bon. Actualité ya mboka na biso. Makambo ezali koleka ebele. Bomoni ba communiquer ebele. Bomoni ba activité ebele. D'abord, koya na biso tozali koya. na lobatote, je m'engage moi-même que nazali un monsieur oya tersversakate. Je suis rationnel. Nazali un monsieur oya change ka position ce qui conviction ezali. Na change ka position t'es sur sentiment. Je pense que les temps tous les qui ensemble, vous pouvez comprendre ça, c'est quel type de personne. Bah Congolais bah yego mon anga kara bon la plupart bah Congolais bah mon anga kara sikoyo, mais bah Congolais oh bah yebinga y depuis 2004, parce que comme vous le savez, ce qui vous évitez depuis 2004, nazala qui actif na ba radio internet. Ce qui est le plus connais au Congolais ou à l'Allemagne, M. Sandokanda, à la radio, na ye kombo nango radio Kimpuanza. Ce qui est le plus connais au Hollande, na radio, radio Bonsomi. Ce qui est le plus connais au parce qu'il y a un Kobenga qui réside au Japon, un Milvor, M. Ngoi. Ah, vous voyez, Sabino, depuis 2004, il m'a invité en 2004. Naya kolobe la makambwa situation en Mboka na biso. A bomba barchi, voilà, a bombi yango, a zobi misango soute. Il m'a invité, moi. Yaka olobe la makambwa Mboka na biso. À cette époque, ezalaki, gouvernement ya 1 plus 4. Le monsieur là, na Japon, Lambert Ngoi, il m'appelait patriote, intelligent. Voilà, depuis 2004-2005, nous nous sommes séparés dans le sens qui va contacter les Zala qui soutient. Et voilà, en 2020, M. Lambert Ngoi surgit à Zotuna question à Yebite Yombia comme professeur na miracle. Toi, il y a 2003-2004. Comprenez, il y a Milvor Ndengenin Bazali. Toi, il y a 2003-2004. Il m'a invité. La radio naïe, soit top net Congo, quelque chose comme ça. Il m'invitait. Na bande koleka na radio naïe. To bande okuta na naïe pe na badeba moussousou, patriotique. 2005, contact les assoutés. Na 2020, il sort, azali ko pose question yombe a komi professeur na miracle nini. Mais 2005, jusqu'en 2020. C'est 15 ans, monsieur. N'a évité Milou et soupa Milou et bouleversa. Même au Japon, pe. Yo moutoufandi na Japon. N'a n'a na Japon, je n'ai jamais vu l'ombre d'un monsieur Lambert Ngoi. N'a mon a été. Moi, je rencontre des officiers japonais. N'a mon anan ombre, y'a Lambert Ngoi. Même moutabete n'a li solote n'a mboka oyo moutoumoko Lambert Ngoi azali. Toyoka kaye kaka na ba radio na ye. Mais moi, quand vous venez na Corée, à partir à l'aéroport Royoka, ok, na ba réunion, il y aura au moins un, deux, trois Coréens bako yebi sa yo. Est-ce que yebi, M. Yombi, bako yebi sa yo? Voilà donc, excusez-moi, parce que ce qu'on a utilisé, Hermoko, ça bouge pour la sang. Alors, Toyene makambo ya mboka na biso, qu'est-ce qui se passe? Bandeko, il faut qu'on zala vraiment rationnel, hein? Il faut qu'on zala na position moko. Oh là là, ça va pas nous aider de finir. Hein? Tomoni palais du peuple théâtre Ezo le Kakuna. Félix a envoyé ma soda, ma militaire, naïe, ma encercler le palais du peuple pour que batou ya Kabila ma kotate. C'est bien. Moutoumoko alingi Kabila zate. Tolo bakango chaque fois, Kabila, il faut akende. Langage wana ya Kabila, il faut akende, c'était un langage on utilisait avant Félix apesa Kabila apesa Félix pouvoir. Tolingaki mwana mboka azwa pouvoir. Mais compréhension ya mwana mboka azwa pouvoir ezali mwana mboka oyazali ya solo mwana mboka. Parce que différence ya bana mboka ezali. Ezali na bana mboka juste azali mwana mboka droit naturel ya makila na ye abotami na mboka wana. Ezali na bana mboka o babengaka patriote. Ezali na bana mboka attendez que je bloque d'abord José Mukuna. Il me demande j'ai quel âge. Demandez d'abord à Félix il a quel âge. Voilà, vas-y. Alors, ezali na bana mboka traître. Ezali na bana mboka activiste pour na mboka. Ezali na bana mboka qui se sacrifie pour na mboka. Ezali na bana mboka mususu abotami musala na ye ndenga botami ale alali. Alamuki ale alali. Le reste c'est pas son problème. Problème na biso ezali mwana mboka azwa pouvoir. Oui, c'est vrai. Mais mwana mboka nini azwa pouvoir? Ezali mwana mboka o azali o ayebi mboka na ye. Ezali mwana mboka oyo azali patriote. Ezali mwana mboka o aza sentimentaliste te. Que ce qui va balancer peut-être babiye ya mbongo akoteka mboka. Ce qui va balancer plat ya biloko akolia akoyi koteka mboka. Non. Tolingi mwana mboka o azali dur n'esprit. En plus comme boyebi ke mboka ezali pays tozali biso mokote. Tozali na système international. Tozali membre ya système international. Na système international wana batu oyo nyonso bazali na système international. Ce qui compte na système international ezali kaka mboka te. Oza la président ya mboka, oza la mwana mboka te. Na système international, ce qui compte, c'est de comprendre ba enjeu international, internationaux disons, que et permettre yo o placer mboka na yo. Na système international, mawa mutema ezalaka te. Bandeko bolandanga malamu. Na système international, mutema, mawa, église, Bible, Coran, ezalaka te. Na système international, eloko nini ezalaka, intérêt ya mboka na yo. Na système international, bakendaka te, na kolela. Boyokelanga mawa, nazali na mbongo te. Boyokelanga mawa, nazana minduki te. Boyokelanga mawa, naza makasi te. Boyokelanga mawa, na système international biloko wana ezalaka te. Soki o se présenter na forme wana, na attitude wana, opesi occasion na bato mosusu bazali na système international, baya ko profiter e pa na yo. Parce que na système international, ba pays ba identifiaka, pays ni nezali faible. Pays ni nezali faible, et pays ni nezali makasi. Pays ni nezali faible, pays ni nezali makasi. Ba pays ya makasi ba profita kana ba pays faible, ba kotala a pays wa nezali faible, et loko nini ba zanango o biso to zanango bezwa. Ba ko profite na faiblesse na yo, pour ke ba zwa biloko ba zanango bezwa. Exemple na opesa bino le Rwanda, profite de la faiblesse ya Congo. Boza ko mona ke Congo azali ko produire coltan. Congo a une réserve mondiale il y a coltan entre 74 donc 74 na 80% il y a réserve il y a monde il y a coltan et ali na Congo mais ce qui botali lelo oleki na Google okomona ke Rwanda azali premier producteur il y a coltan azozo yango wapi le Rwanda profite de la faiblesse il y a Congo Alors, je disais que naoko tana cour à relations internationales. Je disais que moi namboka oyo boko tia président, il faut à la moi namboka qui comprend ba enje ya système international. Parce que pour vivre en autarcité, pour vivre bino mokote, vous allez obligé, condamné de vivre dans ce système international avec les autres pays. Alors, ce qui est président de la République azali faible, d'abord, azali quelque chose dangereux. Ce qui est président azali faible, le président s'entoure na batu oyo qui comprennent biloko wana nyonso, pour ne pas ça y est ba conseil. Na kanabiso na Congo, mutu nyonso ayebi ndenge ozolanda ngai place ozali papa, mama, leki, yaya. Na mutema na yo, na conscience na yo, oyebi très bien que Félix azali faible ya ko faire face à un président du monde, un autre président du monde, pour na ko arracher intérêt ya Congo, a ko kokate. Ça se discute, il y a des stratégies, il y a des discussions. Parce que il y a des ces rencontres là, il y a le président à l'obaka yango toujours. Ba conseiller ba peut-être ba zalakati. Président bangomi balé tête à tête. Alors, un président qui est faible tête à tête ezam ma be ma casse. Parce que bande ko wana zokutana na bango ba ko profiter na faiblesse na ye. Voyez-vous, par exemple, Ndeko na biso Félix, à tout moment, ce qui va tirer tête à tête na batu mususu, to considéré kaka ba Congolais mususu. Félix va kosa ka ye kaka. Na Ibiza va kosa ye. Na Genève va kosa ye. Na Nairobi kamera kosa ye. Na Kingakati kabila kosi ye. Boko yako remake ke Félix aya akolamuka, na tango akei na rencontre nyonso akei. Na tango bakosi ye, batu baya ako sauve Félix ezali, ba wewa na ye. Tango bakolamusa ye ke ya solo esika okende kikuna, eza bongo te, ako tuna bongo na sala ndengini, tika tobi miso mobulu, po olongwa. Meno, bo finga ngaite, komprene la realite ndenge ezali, c'est comme ça. Boye bisanga rencontre au Félix Akenda, que signature na ye apesi, ezali vraiment signature moko rationnelle, il a compris, il a discuté, et il a arraché à zui signature. Ezali likamboni. Et si kanyo sonde konabiso Akenda ka, achaka signature na ye, andimaka, bakosa ka ye. Et moko mwona ke ba signature nyo sona Félix asala ka, zala ka ye moko na discussion. Azalaka ye moko na discussion. Tango ako bima na discussion, ye okuta na bato batika la libanda, ayebisi bango, bato bamoni, makamuni le leki kuna nakati, ba remarke ki la signye, ere bako ta la signye ki nini, ba ye ko remarke ke non, il fallait pas ko signye. Alors, to sauve ye, ba tche mobulu. Na tango bako tche mobulu, abimi, a profite ke, non, ezangaite, bandeko batu baboyi. Yango na bimi na sinatiru wana. Ndeko, mutu bachaka president de la republika azali boyi. Yepe ko alingi ba voyage bele. Na ba voyage wana azolu kwa tujuru akuta na ba president bamboka zokete. Ndeko, mubulu ba wewe wazobimisa. Soki Felix asali sinatiru ya ndimi wiwi ya makambo ya ba Kongole. Mais na makambo ya coopération internationale, ya relation internationale, na ba président mususu, ba wewe ba kubimisa mobulu epai wapi. Ba kubimisa mobulu te, akei kuna, andimi. Ba kubimisa ye te, ya kukoma siko bolu kwa bargima ya ba défense. Bolu kwa bargima ba défense. Oh non, la muka azo chabiso bakal. Oh non, kabila mutu azo chabiso bakal. Te, za bongo te. Lelo oyo bomoni na parlement, bato kabila balobi, bango bazali na plus de 250 parlementaires. oyo ba renouveler confiance na bango epai na na Kabila. Félix pe aye a lobby yepe azali na plus de 250 parlementaires. Bango koto ba lobby 279 parlementaires. Bato Kabila ba lobaki liboso 300 parlementaires ba renouveler. Bato Félix ba lobby 279 parlementaires ba ye panaye. Bandeko, ba parlementaires wana bazali combien? Bazali 500. Ya Kabila ba lobby 300, bazali pa Kabila. Félix a lobby 279. Est-ce que bazali sous 500? Excédent wana ya 79 ba outi wapi? Excédent wana ya 79 ba outi wapi? Mes chers amis, mes chers frères, toyoki ba Congolais, na yebisa kabino chaque fois soki na ye. Congolais azali moto a garda ka position na ye te. Congolais eza moto a change ka position selon mo pepe ndenge ezokende. Oningisi ye koto yo lobi loba A lobi A, oningisi ye koto loba B lobi B. Na sima ba ningisi ye loba C lobi C. Liboso ba ningisi ye. C'est ça les Congolais. Na moni ba Congolais belé bazali koloba. Topé sa union sacrée chance. Mes chers amis, politique ezali pona moto nyonso te. Ko commenter makamba politique ezali pona moto nyonso te. Congolais atikalaka na domaine na yete, na makambo ya yebite. Congolais, ceux qui bazolo ba makambo ba médecin, yé pas ali médecin. Congolais, ceux qui bazolo ba makambo musique, yé pas ali musicien. Congolais, ceux qui bazolo ba makambo ba pilote, yé pas ali pilote. C'est ça les Congolais. Et ça embrouille bande kona biso mususu. Balobi topé sa Félix chance na de na union sacrée. Mes chers amis, Mukolo Félix va pécier pouvoir et pas Kabila. Toyaki koloba. Félix dit loana sali ezali mabe abima. Abima sikoyo Alex attente sikoyo. Aloba vérité que dit les ali. Abima na dit loana. Avant que ape sa force na Kabila. Bayoki la kibisote. Dit les ate. Dit les ate. Kabila zala ki voté. Non, Félix zala ki voté. Batu ebele pande kona biso ba milovor. Babandai koya koya yisa biso bo pesa ye chance. To pesa Félix chance. Biso to lobi tokoyi ko pesa ye chance te. Parce que, un d'abord, son problème ezali kaka problème ya Kabila te. Problème na biso ezali kaka problème ya Kabila te. Problème na biso ezali problème ya incompétence ya Félix. Bandimeli biso te. Chance yango ekeyi 2 ans. 2 ans Félix a sali. Na 2 ans Félix a sali to moni nini. To moni butu moi er nyon soko yemba ko se lamente Kabila zo tchanga bakal. Moyen a travaillé ezati. Mais Félix na tango akeyi. Bo pe sanga chance. Na tango akeyi. Il le savait très bien avoir senga chance na ba Congolais bo pe sanga chance. Il savait très bien que Esika Kei Kabila za majoritaire na parlement. Esika sengi chance ayebai que lokola Kabila za ni majoritaire na parlement, Kabila mutakoza la majoritaire na gouvernement. Chance a senga ki ayebai ke kote azo kende, Kabila za ni majoritaire na gouvernora. Mais il demande toujours, il a toujours demandé ba pesa ye chance. Ba milouvor na ye bande ko senga to pesa ye chance. Bon, zwa chance kasi. 2 ans. 2 ans. Aye ko zonge la biso. Alobi bo pesa nga sou chance ya union sacrée. D'abord, to soukana na 2 ans wana. To zwa bilan na ye. To longo la bilan ya gouvernement, oyo batwa Kabila bazali majoritaire. To longo lango. To ndimi. Kabila bazali, bazali majoritaire na gouvernement. Atio bakal po o travaye. Kabila za majoritaire na gouvernora, atio bakal pour travailler. Kabila za majoritaire na sénat, atio bakal pour travailler. Et à ce niveau-là, y a Sénat na Parlement, ça se limite au niveau ya mibeko. Tomoni pe mobeko oyo Félix a proposé te na ba ministre na ye, na Sénat na Parlement, bato kabila baboyi. Tomoni mobeko mon côté. Alors, to zwa bilan na ye, ya deux ans, na présidence kaka. To kene na gouvernement te, parce que kuna bandeko bakoloba, kabila za majoritaire. Oui, c'est vrai, tondimi. To kene na présidence na ye. Qu'est-ce qu'il a fait na présidence na ye? Na bureau na ye? Et l'autre to retenir na bureau na ye na deux ans, oyo, ezali ba rétrocommission, ezali mbongo 1 milliard 800 millions de dollars a retiré ki na réserve nationale, na lelo oyo ngai na bino to zali ko solola, 1 milliard 800 millions de dollars wana, to yebite e kei wapi. Tu yé komona ba maison préfabriquée, 57 millions de dollars, ba pesa na Libanais. Tu yé komona 600 millions de dollars, ya ba so de mouton, na lelo, wapi inauguration ba so de mouton. Et tigali kaka ba mbouteillage na mboka, na ville. Tu yé komona ba voyage na ye. Non, na ba voyage na ye, ayaki soki na 1 milliard 500 millions de dollars. Ezali esikani, na compte ni. Nous avons suivi les gouverneurs et la banque. Nous avons suivi les ministres de la finance. Félix nous a dit dans le voyage na ye, aye comme même na Congo, à côté na Congo, 1 milliard, ce qui 500 millions de dollars. Et y a qui na titre ni. Auto money, investissement auto money, ezali ya masanga ya comme là, ce qui Heineken. 1 milliard 500 millions au Félix aye nango. Et yé na façon nini, l'investissement nini. Ba kabeli yé, ayaki nango na poche, ou bien 1 milliard wana ayé nango nandenge nini. Boye misa biso. Ayé nango nandenge nini e ezali wapi. Alors, soki to suki kaka na bilan na yé ya 2 ans, kaka présidence na yé, na bureau na yé, catastrophique. Catastrophique. Et là, comme ça, tu as remarqué dans le bureau, dans la présidence, ils allaient pléthorique qui a conseillé. Les lots, oyo, na yé, comme mona, merci, na koulou, tu n'as vu ça, honoré Nguanda. Merci, na bato, bazali, na banque centrale. Merci, na bato, ya fonction publique. Merci, na bato, OEP, bazali, na présidence, bazali, mon thème, ya Congo. Ba yé, comme ça, en réalité, l'effectif, na présidence, c'est à 700. C'est près de 1000. Près de 1000. Parce que Félix engage chaque jour. Chaque jour, Félix a zo engagé. Il y a chaque jour 1 000 vols à Zozo Moussala. Les mois passés, il y a 1 000 vols cousins à Yéa. Bosana Kala, en États-Unis. Qui travaillait dans Boutou. Banda Kenda, en États-Unis. Félix a bénéficié, les gars maintenant, est directeur financier. La maison civile. Directeur financier de la maison civile. Alors, Azali vraiment, franchement, ce qui vous allez conscient, tout le monde a sentiment, il y a un déco, Azan déco nangai, province moko, ethnie moko, tribu moko, naye biye, tokutana naye, tout le monde a sentiment. Wana. Pour moutounion, so a kutana na Félix physiquement. Moutou nyoso o akutana Félix physiquement. Témoignage o nazui, na batou nyoso bakutana Félix physiquement. Me dis toujours ndekwana en réalité aza moutou akosa la présidente. Azali ndeko o akosa la présidente. Problème ya intelligence ya Félix, batou nyoso bakutana na ye physiquement ba yebi yango. Son père a yebi yango. Papa na ye a yebaki yango. Papa na ye a lingaki jamais Félix a koma. Ata mape sa ye ata poste moko ya mouke. Mais de, posez-vous la question, pourquoi? Ngaye mwana na ngaye aza mayele. Mwana na ngaye azwa ake nekolu kwa musala, azwa musala. Papa aboya, ke mwana na sala musala te. Mais papa a yebi. Papa a yebi, pourquoi? Mwana na ngaye kwa yiko zwa musala wana te. Alors, bandeko balobi ba pesa union sacrée chance. Bandeko. Chers Congolais. Ba pesa ye chance. Union sacrée na ye ezali constitué na ba député ya Kabila oyo ye abendi e pa na ye. E boye ba ke ba député ya Kabila wana azui e pa na ye, azui bango na projet ya société te. Azui bango na intelligence na yete, azui bango na façon na ya kosala musala te, azui bango na patriotisme na yete, azui bango na corruption mbongo. Député azo leka, ba député bazo zwa $12,000. Ba député mso bazo zwa $10,000 soki ba yebi yote. Ba député o ba yebani le baati, bazui ba $250,000. Ba politicien mso sou bemba touché $250,000. Katumbi est sorti avec $250,000. Les gars ici, il y a le féticheur là, il y a maman, Kokona ya de la féticheur, Moutouati Vouana. Bitakwira est sorti avec $100,000. C'est la présidence qui nous dit. Batunabino Bolo Baka, oh chairman, tala chairman, a outiko bimana $250,000. Oh Katumbi riche, Katumbi a outiko bimana $250,000. Azui bango na corruption. Mais, mes chers amis, biso nyon so na bino ba milobor, na biso, tozali ko se lamenter pourquoi bazo futa Kabila $680,000 chaque mois. Bazo futa landa kwa Kabila $20,000 chaque mois. Kabila zayi na bagat 2500 gardes. Boye bite ke mobeko wana cette loi yako pesa Kabila $680,000 par mois, yako fute la Kabila ndako, yako pesa Félix $2,070,000 par mois, mubeko wana batu basali ya mwe zali ba depite oyu. Bino na biso, tozali kontre ba depite oyu. Ba depite oyu, la plupart ce sont des depites qui sont revenus. Ce sont des corrompus. Bazali ko augmenter ba salaire na bango. Bango ba voter. Par exemple, vous citez bino Mboso Nkodiapuanga, oyo bo komisi président ya Assemblée nationale. Moi, je suis Moyaka. Je connais Mboso Nkodiapuanga. Bagaz na ye, na tango azala ki ministre, à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Na Massina, na Pascal. Bagarde na ye, soki ba moninga bakoye. Parce qu'à cette époque-là, nous avons dit que peut-être va reconnaître ngati bakoye bangaye. Bagarde ya Mboso Nkodiapuanga bakoye bangaye. Ils vont reconnaître qu'un jour, kikatangi mazalaki na association ya basuku babengi Mungeya. J'étais président ya Mungeya Tiango. J'étais président ya Mungeya ya Tiango. Il fallait tout ça la réunion Nanjili. Mboso Nkodiapuanga était na Pascal. Kaka na Pascal kaka na boulevard na Pascal. Kokende musika te kaka na boulevard ndako na ye. Na memi bureau ya Tiango ya Mungeya. Tokende koyebisa Mboso même si Mungeya o ezali ya basuku. Biso nyonso tozali na kati ya grande famille Bayaka. Nous demandons que batu oyo bazana Pascal ya Bayaka, bayako se joindre na biso. Tokoma na porte boye, bagarde na ye bakoti singai. Paske ba ye bakingai, baboyi kokoti sa batu oyo na yaki na bango. Bagarde na ye na batu batikaki na porte bitumba. Ngana kena ndako la femme de Mboso Nkodiapuanga sort. Atuningai, qu'est-ce qui se passe na yebisi ye? Ye moko, mboso ayeko bima. Petit, qu'est-ce qui se passe na yebisi ye? Voilà, na tindela kyo let. Ah oui, na yebi. Wapi bango? Bazali banda, bagad bazo bundisa bango bakotate. Mboso envoie sentinelle moko kede bakotisa bango. abengi garde na ye moko azaki mokuse senga pardon asengi pardon boso kodiampwanga c'est incorrompu c'est incorrompu bandeko topesa Félix chance topesa Félix chance vraiment na ba député oyo bino na biso tozo boya ba député oyo ba voter mibeko ya kopesa kabila $680,000 par mois ba député oyo bazo voter kaka salaire na bango ye mata ba député oyo bazo ye bateke peuple na biso azali ko souffrir to diminuer salaire na biso to diminuer salaire ya président to diminuer salaire ya kabila ba député oyo minembwe na biso ezokende. Ils s'en foutent. Franchement, ce qui vous allez sérieux, les lobes qui ont été en train de faire Félix chance, n'a pas député. D'abord, lui-même, Félix a un problème. Le député a été en train de faire la corruption. Il a un problème. Franchement, Bolingi, Congolais a fait sa chance dans l'union sacrée. Union sacrée où il y a des élections à solliciter. Union sacrée où yo ba wuti na ma patate. Ce sont des gens où yo bino nanga ito yebi façon na bango bazali. Nani atombo la mousapike ba député na baza ba korompite. Nani yebi sanga mubeko moko ba député na basala pon intérêt à Congo. Vraiment. Passe dans mon thème. Franchement, passe dans mon thème. Et vous allez voir que la plupart des Batoubazo, Sengato, Pesa, Félix, Chance, na Union Sacrée, Naye, ce sont des gens qui ont vécu dans la diaspora pendant la année belle. Batoubavandi dans la diaspora. Diaspora américaine, diaspora européenne. Bavandi bamboule belle. Bayebi, qu'est-ce que signifie représentation? Nani oyo ko iko pona po a représenter yo. Nani oyo ko iko renouveler confiance. Nani oyo ko iko pesa confiance. Nani oyo ko iko pesa chance. Ba yebi yango na bamboka bavandi bazo mona. Bandeko. Diaspora oto vandi ezaka kate potolia. Ezaka kate po zwa mwa $1,000, mwa €1,000. Otinde la bandeko elamba kolata. C'est tout. Non. Diaspora to vandi ezali pe école. École, il y a expérience. Namboka o na vandi, tala makamu ndenge basalaka. Ngai pe na Congo na biso, na sali sa Congo na biso, po balanda façon ya kosala ya boyi. Bandeko, bozo vive na diaspora pendant des années, mais mutema na bino, ajustement na bino, comportement na bino, ya batu oyo bazali na fin fond ya mboka na ngai na bandu. Mutu oyo avandi banda botama peut-être akenda classe te ti akoli akokisi 50 ans atika liko komana na esika moko demokrasi eza akomana nte. Excusez-moi. Mutu wana avandi na bandulu na mboka nanga peut-être ayoka na nte demokrasi yango ezalaka nini representation ayebite. Mais yo muto vandi na Europe, yo muto vandi na Amerika, yo muto vandi ba pays démocratique ya Asie. Excusez-moi. Vraiment. Na mboka yo vandi, démocratie ezalaka bongo. Na mboka yo vandi, gouvernance ezalaka bongo. Na mboka yo vandi, état de droit ezalaka bongo. Na mboka yo vandi, ba pesa ka chance na batu ya bongo. Mais tozali ba maboma o tozo signore ou bien comment? Bon, bozo benga yango majorité. Mais ba photo na meki ko tcha yango awa mwaye esimba izati, na ko tcha yango na Facebook nangai. tomoni ba photo ya ba député oyo mboso nkodi mpwanga lobi bazali na kati ya salle 279 députés. Bandeko na kosekisa bino. Moto atindeli nga photo wana ezali neve nanga. Azali na Kinshasa. Neve nanga atindeli nga photo wana. Neve nanga pe azali moto IDPS. Azali milouvor pe. 50% milouvor. Mes chers amis, neve nanga azalaki na parlement wana. Lobby. Akangi ba photo atindeli nga. Oncle Otsaka Tembe nanga na komi député. Oncle Otsaka Tembe nangai na komi député. Atindelinga photo avandi na parlement avandi. Mboso nkodia mpwanga liboso azoloba. Mais ça c'est quel pays? Mes chers amis, liste na situation ya boyi. Le présent, bokende nommément, qui sont présents, un tel, téléma, wow, un tel, téléma, numéro 3, téléma, numéro 4, téléma, Tina 279, tout le monde, bazo mona. Qu'est-ce que Kabunda fait? Kabunda, yebisi ba milouvor, ba lata ba veste, na ba cravate, ba yako kota na salle. Mon neveu n'est pas député. Azalaki na salle. Basali ndengeni, na liste na bango, bakomi bakombo ya batu. Mutu na mutu yo yaka, bakolo bakombo te. Moi, yo yo sinye na kombo nanga, o sinye. Chaka sinye ti rao, chaka sinye ti sinye au. Moussous, sinye au. Et ce que mon neveu m'a dit, ba barre combo na côté ya ba combo, ba placer papier, ba tiki kaka ba rubrique ya ba signature. Erozo kota signé awa. Yozo kota landa wana. Yozo kota landa wana. 279. Na 279 député wana. Comme je vous ai dit, neve nanga e neve nanga lobi nanga ya kenda ki ye mokote na ba camarade na ye mboka chance oyo bozo senga to pesa chance na biloka ba fraud ya boy. Note une chose, boyebi ke biso to yakate to bandai ko ya pona Kabila system Kabila Kabila ye moko physiquement son système également. Bino na biso tozalaki na Lituana. Votre frère s'est ajouté na Kabila. Andimi bondimi bosa la deal. Problème na biso ezali na frère na bino na Kabila bango mi balé dégage. Sachez que Kabila Félix azana ba problème ebele. Problème entre yé avec Kabila. Biso tozali ko condamner bango mibale fo ba bima parce que bazaba voler mibale. Félix a un problème avec le peuple. Il a menti le peuple. Il a trahi le peuple. Il a lavé le Rwanda. Il a lavé l'Ouganda. Il a lavé le Burundi. Il a empêché que l'Ouganda nous paye nos 10 milliards de dollars. Le quota na peuple, salaire na yer exorbitant, wana yé na peuple. Sachez que Félix a encore un problème avec les élections. Il a un problème de conscience, un problème de crime avec les élections. Félix a encore un problème avec Fayoulou, ba wé libre élection. Ma wenite me ayibi. Azali reseller. Kabila yibi election ya Muninga, aye ko pesa ye. O yibi eloko ke ko bombisa na ndako ya Muninga na yo. Muninga na yo azali voler, yo azali reseller. Bino mi bale bozali ba kya famille moko. Félix a un problème na coach na ye Kamere. Ne croyez pas aujourd'hui ndenge bozali komela ba champagne to bengani Kabila. Oui, c'est bien, biso to kosepela. Kabila so alongwe. Mais ne croyez pas que to bosani. Boye bisaka biso chaque jour awa. To bengana na no Kabila. Après to kotala Félix. Tous les mirovors au baye langaye. Baye na mo attitude moko ke il résonne très bien. Non prof moni situation ya mboka ndenge zali to bengana no Kabila après to kotala makamba Félix. Alors lelo je vous demande bondimi siko lokola bolobi bo bengani Kabila. Alors siko to tala Félix makamba Félix ndeto yokana. Bo bengani Kabila, oui, félicitations. Pour féliciter Bino bo bengani Kabila. Alors maintenant ndenge to yokanaki to tala siko makamba Félix. Totala. Pourquoi il a trahi? Pourquoi il a menti? Pourquoi il a lavé le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi? Diluana salaki yango ndengenini et pourquoi? Na kombo ya nani? Nani apesa ki ye mandat? Bolobi ki salome banda. Mes chers amis, bozalaka lokola ba perotuti. Balobi ki salme banda, yope ki salme banda, ki salme banda. Balobi kuna beton, yope beton, beton, beton. Mes chers amis, ki salme banda. Bolobi ba vota ki manda a 5 ans. 2 ans yango yo, ayibi, ayibi, ayibi, mbongwe mona na te, mbongwe leka quelque part te, alandi, azui. $1,000 leka na sonas ake azui. $1,000 leka na contribution ake azui. Na ofida ake azui, réserve ake azui. Après 2 ans oyo azui azui azui azui, alobi sikoyo ki salome banda. Avant 2 ans oyo ki salome banda, azalaki wapi? Sachez que na 2 ans oyo to futi ba conseiller na ye, to futi ba voyage na ye. Azui ba mbongo. Alobi wana ki salome azalaki te, sikoyo nde ki salome banda. Alors il nous doit des comptes. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 ans? Pourquoi on l'a payé? Mais Congolais, Zala quand même. Zala quand même Moutou. Franchement. Hein? Zala Moutou. Nabandeko Bino Batouvan na diaspora. Franchement. Ça m'étonne. Et le Moko Nakoriko le Babon. Bande konabiso, désolé. Bande konabiso, ouyo, baza peut-être na Congo, ça peut se comprendre, l'information est moko, surtout ou bavanda ba milliers riro, l'information est difficile na okota, yo moto vandi na diaspora, yo penza moto a diaspora. Yo vraiment moto a diaspora. Vraiment. Okori ko soutenir ba bêtise aboye. Qui salome banda. 2 ans, oyo a salini. Okoye misanga na 2 ans, oyo Kabila empêché ye. Maintenant, Kabila empêché ye, pourquoi l'on m'a quitté? Pourquoi juste salaire? Pardon. Pourquoi juste salaire? Ajong sa salaire, nous avons vu Martin Fayoulou na parlement. A salaki moustal na parlement, qu'est-ce qu'il a fait? Ajong bongo na bango nyon soba futakiye, aye kozong salbi, na vandi na parlement awa na sale loko moko te. Mubeko moko te. Na moni ke betize na betize leki na parlement oyo, me bo futa ki ngayi. Tala mbongo na binu nyosu bo futa ki ngayi, yango na zongisi. Voilà. Ça, c'est un responsable. Mais yo, 2 ans au lobby, 2 ans au leki siti, oya ko bima ki salome banda. Alors, mbongo iza wapi, oba futi yo ya pamba. Parce que kisalo iza la kite. Bandeko oba vanda kishasa, peut-être tozo pe sa bango impression mabe. Soko moni kongole azali ko koluka kende poto, koluka kende Amérique, koluka kende Asie, Japon, Corée, Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande. C'est parce que tous les gens ont une image. Vous verrez des Congolais. Et si avant une diaspora, ils ont une voiture. Ou soit ils ont une voiture, ils ont juste une voiture normale. Si ils ont une voiture, quelqu'un peut venir dans la voiture, il y a des leaks, télémissions, il y a des télémissions, il y a des photos. Les Congolais ont un temps pour le parking, ils ont une photo de la voiture. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai mal à mon tour pour vendre dans la diaspora. Si vous pouvez vendre dans la diaspora, un pays à démocratie, un pays à droit de l'homme, un pays à jugement critique, bato ba vanda ke chassa ba parlementaire corrompu ba vanda ke chassa ba zo manipuler yo moto vanda diaspora sérieux sérieux amen oh. Deux fois je remercie na papa Nangai, bien Kakoufa, je remercie. Dans mon aïeux, quand il me forçait au kende classe, il me disait toujours, Rosana, moi, dans mon kemen, un jour peut-être, na Rosalate, conseil, na zope sa yo, kotika classe te. Et si kanyon so kozala, kotika classe te. Et si kazali, na zope sa yé, merci. Nous avons merci. Et nous avons fait merci parce que l'assiduité, tout comme au niveau de comprendre les choses, ils allaient donner à tout le monde. Quand il y a une diaspora, il y a un liambala, il y a un lipa, il y a un melamiliki, c'est tout. Il y a un lamba, il y a un c'est tout. Il y a une voiture, il y a un tambour, c'est tout. Vous allez dans la diaspora profiter de nous. Ah, voilà. Il y a quelqu'un qui me demande Boni CV à Tchakoudia. Ah, excusez-moi, trop pris. Sur une série live, les cas à Facebook, vous allez voir CV à document à Tchakoudia. Nabosana ki lobby. Oui, désolé. Mais sur une série live, oh, je vais mettre ça dans Facebook. Vous allez voir ça. Alors. Na ébite soit assez à Longwe, je pense aux autres, une question, au Van Namboka, Mogona, Naye, à Londres. Assez à qui déjà qui chasse ça, parce que accélération, ils allaient Kuna, premier ministre Kalaming était. Donc, à qui nous avons pouvoir, alors. Maintenant, Zoom, on a utilisé. Il y a des questions ici, hein, sur YouTube, hein, que je réponds, qui me demandent le code à Zoom, mais. Zoom ou esa conférence t que interconnexion t donc moyen d'appeler sa code des actes s'il vous plaît c'est pas une conférence il y a interconnexion il y a yo nangai cher ami Raphaël je pense alors donc, je disais que Moutavan na diaspora, ils ont caraté au lata, au somba voiture, au lia, que aux une expérience en diaspora. Mais non, aux en diaspora, mais vous vivez au Congo. Aux en na diaspora, mais vous vivez d'une façon pauvre, pauvre dans le sens que pauvre en esprit. Ah oui, Batébélé, baza na diaspora, mais baza pauvre en esprit. Batakisha sa ba député ou boébi qui est corrompu. Topé sa bango chance? Sérieux ça, vous? Sérieux? Oh! Ma flatter, bah, c'est belé. Hein? Na moni ango e belé, bande ko bavandi na Europe, bande ko bavandi na Amérique. Na moni e belé, tope sa. Tope sa Félix Science na Union Sacrée. Tope sa Félix Science, Union Sacrée na banane. Union Sacrée na batoy. Union Sacrée. Entre temps, pléthorique na yena président, c'est on dit 1000 personnes. A yena bango. Ma pe sa moto chance. Président Yona. Parce que qu'est-ce qui a changé, en fait? Qu'est-ce qui a changé dans la chance Obino Bozo Senga Bapé sa Félix na Union Sacrée naïe? Ce qui a changé, Bolobi Bobenani Kabila, mais pour moi, naïe Kabila Zaka Kawana na Koko. Kabila Zaka a une influence naïe. Alors, Bino Bozo Senga chance na Félix, toke na hypothèse ki Kabila zate. Donc, ce qui a changé kuna, ezaka na Kabila zate. Le même parlementaire, le même sénateur, le même président, Félix, le même conseiller, ou aye na bango, mille. Basali et l'autre côté, na deux ans oyo. Koyiba, koyiba, lokuta, lokuta, lokuta, koyiba, lokuta, koyiba. Ba détournement. Kaka bango lelo, qu'est-ce qui a changé? Bon, miracle, koyi, Saint-Esprit à côté na Congo. Ba komi ba klasika, ba saint. Tout le monde, ba conseiller Félix Tshisekedi ba namoki, ba komi ba conseiller, ba kopesa conseil. Ba conseiller Félix Tshisekedi baza sous ba milouvorte. Eza soute ka kuna mwane, tu mwane, tu mwane, tu mwane, teza soute. Ba changer. Ba parlementaire, baza sous ba parlementaire, ou corrompi, te ba pesi Kabila $680,000. Ba komi ba saint, lelo kaka. Oh, Congolais. Oh, mboka nangai, franchement. Na soni. Na soni ya kome présenté, je suis Congolais. Soni. Ozo lo belaka ka kuna yaka na Congo. Ah. Na ya na Congo, bon. Nga iso na zaraki chomer na nga na zana Congo. Naza chomer te. Ifo go yeba naza chomer te. Naza chomer te. Paske na Congo kuna eza koluka msala. Yaka na Congo sala. Me awa place na vani na osala msala. Siko, bozo yibite nga na ya na Congo, pourquoi? Mais ce qui me fait mal, bande kona biso na Congo ndenge bazo soupir. Oyo nyoso tozo loba, bobongisa, batubalia, batuba kende classe. Droit ezala. Ezali po na ngai te physiquement cher yo, mutozo koma. Ezali po na yo ndeko. C'est pour vous. Soki Félix kuna bongisa pesi video di pa. Ni pa ne oyana ngai e pa na ngai te. Nga awa, soki na silisi, soki na lobby, na lia lipa na olia. Soki na lobby na tambula, na kotambula. Soki na lobby na voyager, na kovoyager. Nazala difficulté ya tiki ya kovoyager te. Nazala difficulté ya visa kovoyager te. Nazala difficulté ya olia na tongo te, ya midite ya pokwa te. Nazala difficulté ya kolala te. Nazala difficulté ya musala te. Nazala difficulté ya eloko te. Peut-être difficulté nazala ngo. Ezali kena komisa Congo na biso paradis, mais ce n'est pas pour le moment. Bino bolobi Félix aza moto akoki. Félix nde moto azali vraiment la personne. Akoki ko bongisa mboka wana. C'est lui. Alors, deux ans yangoyo, miliki na kopa Congolais okota te. Miliki. Deux ans yangoyo, masque ya pamba, masque ya kopesa population. Eza la population ya mboka mobimba te. Kaka Kinshasa, obye ba ville kaka, masque ya kopesa population. Exact. Lelo ba gouvernement yangoyo bazo somba ba kisi ya vaccin ya COVID. Boyo ki communiquer na présidence ke to sombi autant de doses. Boyo ki Félix a dit binoke to sombi autant de doses ya vaccin. Boyo ki. Mais Félix est occupé. Yako zwa majorité parlementaire na ba machette. Mais na ebite. Le Congo eza mboka na yo ya ngai ya mutu nyoso. Félix n'a pas le droit ya kidnappé mboka wana. Félix aza na droit ata mokote. Un d'abord, il ne mérite pas. Alors, autour na yo esiko vandi ndeko. Soko zali na diaspora, tala esiko zali. Soko vandi na diaspora, tala musala ozanango. Soko vandi na diaspora, tala ba discrimination ozanango. Na sika ozali musala ozo sala. Soki ozali na Congo balosa misu pembeni bandako oyo bozana bango ba voisin. Franchement mboka oba bengi mboka ifaleza na bongo na batu ya boye. C'est vraiment regrettable. Omer Bwake tala na Congo eza d'abord comme ba congolais te. Oui, laissez-moi rêver, bolobi ozo rêver. Botika nga na rêver. Laissez-moi rêver. Alors Félix moto azo rêver te. Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Azo révété. Fraude na fraude. Élection fraude. Majorité parlementaire fraude. Aye au côté sana bato bazala kate. Bazaba député te. Ba côté na kate. Signé. Au côté na kate signé. Awa. Liste moutou moka moni angout. Moutou moni liste anate. Moutou tangi ba kombote. Batanga ba kombo moutou moko moko. A telema. Un tel telema. Telemi. Un tel telema. Je me rappelle encore na tango à conférence nationale souveraine. Il fallait battre la vote. Batamobutu bakote saki ba fraude rebelle nakati. Je me rappelle encore au nom de l'UDPS, professeur Liaou Atelema. Asenga na président ya HR, soki HR PTR wana. Asenga ye ba fraude bakote rebelle tout le monde dehors. To banda siyo ko benga mutu moko, no mema mutu moko moko, entel, yeyo, telema, bamoni yo, to yebiye. Entel, voilà. Liaou l'a demandé, on l'a fait. Natango batuba bimaki, er basali ndengona batuba kota no mema, to yeko remarke te batuba diminye na sal. Mais je vous dis, mon neve azalaki na sal, atinde linga ba photo. Atinde linga ba photo. Aza député te? Aza moutaï de pèse? Mais aza député te? Comment il s'est retrouvé dans la salle? Oyombo son kodien point d'azoloba, koro meza atteint. Kobota ma fraude. Ko vive nan katia famille fraude. Ba memiye na Belgique, ko vive na Belgique fraude, ba chekula. Ba memaye na Kinshasa fraude. Ko kende pa kabila boutou boutou fraude. Ake na Ibiza fraude. Akena Genève, fraude. Akena Nairobi, fraude. Akena Kingakati, fraude. Au juste. Ndeko oyazali nani. Na siko zoye baten ndeko oyazali nani. Na siko zoye baten ndeko oyazali nani. Alors, vous verrez que les Congolais, ceux qui osali koloba boye, Congolais, Congolais qui est dans le milouvor. Milouvor pour critiquer Félix T. Ce qu'on critiquait, il y a un mouton qui est battu sur Mayele. Mais non. Nani a si a yé na diaspora, ou yon bison yon so, ou yon activisme, ou yon libéré mbo kanadiso. Nani a yé déjà yé bisi batu, qui a l'équipe battu sur Mayele. Moutou mon côté? Moutou mon côté? Moutou mon côté a l'équipe battu sur Mayele T. Mais, ce qui toque mout, individuellement, ngai na leki Félix na Mayele, na bon bakate, na lo bakango, na leki Félix na Mayele, na moustika. Moi, je peux former Félix. Ce qui boye linga ye, bo kitse linga ye, na pesye timing. Je vais former Félix. Na zali maître école primaire. Na tangi san école primaire. Na zali pédagogue. Ce qui boye linga Félix na tangi sa ye, matière école primaire na ko tangi sa ye. Je suis maître école primaire. Na tangi sa. Ce qui bo tse tembe, ba o bavay na njili, bo kende na école matondo na quartier 3. Pembeni ya école technique, na ngambo école technique ya quartier 7. Na prince ya njili Saint-Thérèse. École technique moko na quartier 7 ezali wana, na ngambo nango na quartier 3 ya njili. École matondo ezala ki na evite soki ezali sou bien ekufa. École matondo ezala kawana. Mukolo nango pe komona e matondo. J'ai enseigné dans cette école là. J'ai enseigné la deuxième primaire, j'ai enseigné la quatrième, j'ai enseigné la sixième primaire. N'école matondo. Bana na tangi sa lelo ba koma ba master, ba zali belé ba yeko retrouver ngai. Ce qui est une école secondaire, n'attends pas une école secondaire. Ce qui est une université, n'attends pas une université. Donc, vous comprenez que je peux vous former, Félix, de l'école primaire à l'université, si à cause de docteur, doctorat, ce qui est à Zali Nambongo. Ah oui, tu as Zali Bato, mais tu as dans le domaine. Ah. Moi, je peux vous encadrer dans Tangi Sibino, dans l'école primaire, université, vous comme ma docteur. Oh, otangisa wapi na tangisa na pesi bino bakombo ekolo. Bole kala bekolo wana boke nyogotuna. Soki bokei na nini na Kongo, na Njili, na Kishasa, botuna ekolo matondo. Papa wana ifweza la deja kufa pasi ya sete epoke il était vieux, me bana na ye bazali. Mwana ye moko ya mwasi na mwana ya mobali. Waneko dirije ekolo wana. Bako ye bisabino. Quel type de maître que j'étais. Très têtu, va y corrompre un jour. Non. Mais oui, il faut. Tous autant que tous allez mettre, mais dès que vous allez conserver, vous allez vous faire un peu. Préparation, il y a un cours. Il faut être en compte, il y a tant, il y a qu'autant que ça. Bah, oui, ma préparation, il y a un cours, il faut que ça en côté, il faut ça en école. Là, c'est ce qui est ici, une école, vous allez préparation, vous allez document, vous allez en d'accord. Alors, toi, bon, si c'est comme ça, il faut salaire payer matin. Parce que tant que yo lien avec Nandako, na ke ngosala musala musu Nandako, yo au retenir nga na musala, il faut qu'on foute ngai. C'est ça le capitalisme. O tete, ba maître ba salaire netement mouvement moko boye, ba bandi ko longola ba maître. O lobby ba longoli. Ah, mukolo musu ka boye. Ba lobaka nini, salut au drapeau. Ah, c'est à l'époque c'était quoi? Salut au drapeau. Salut au drapeau payana. Tellement penza yé a zo yé bate avant l'oba, na racha parole. Il est là-bas, na yé ba yé bi, bako yé bi sabino sobo ke ikoun. Na l'oba jamais. Ozo maltraité ba enseignant, biso ba tozo sa les écoles privées, tozo sa la poto kote la mbongo. Ozo maltraité ba enseignant, les deux enseignants longo li ba salini. Alors, enseignant moko akota na classe T, biso nyo so kou reza telelo, bana bazonga na mandako. Ba na ye ba bengi papa na ya ye ko bima. Ba benga nga na biro. Oh non, maître tona, ko sala boyete, yoto ye biti osali maître vraiment ya malamo, salaire na yoto matisi 50 zaïr, zaïr kombye wa to matisi. Oh, nga abitin, suru bo matisinga 50, bo matisa moutunyo so 50. Ba maître wo ba longola ba zonga, ils sont là, bo kene na ekolo matondo. Ba milvor bozo ba wewa alezi nekolo matondo botuna. Na yana université awa na mboka oyo. Na yana université. J'ai innové des choses. Nga moko mupaya. Professeur moko. Na zanga moko mupaya. Moto mwindu pe. Tout le monde a ba professeur baza awa. Baza ba koreya. Système, il y a appel, il y a présence. Na tango na kotaki, 6 mois après, na bimeli doyen, na secrétaire général, en tout cas, pour moi, système à présence exacte. C'est-à-dire que étudiant soka yé na présence, aza présent na bakour nyonso, aza au moins na 20% déjà. Ma binon? En tout cas, aidez-moi pour nangai na bakour nanga nyoso 5 na université oyo système à présence exacte. C'est l'université. Oyé, système à présence exacte. Lutte est commis à président université. Par la suite, j'ai arraché ça. Et comment que faculté mobimbakuna faculté wana système à présence exacte. Na place ya présence, ezali application na kati. Le 20% wana, to tchaonka kana application. Bakour nanga ezali interactif. Au niveau doctorat, au niveau master, oui, de séminaire. Mais na niveau ya graduat, ezali interactif. Vous savez, ba jatik, na ba sal, ba tanga na ba coréen, peut-être moyebi. Les Coréens ont public pour les balobakate. Au moment net, ils ont compris, on dirait qu'ils ont maillé. Mais non, ils ont compris, mais les balobakate ont public. La question est tout à fait. Bango, ils ont tout à fait. Si ils ont l'andi, ils ont bureau, ils ont tindé le courriel. N'habit jamais. Awa nakati. Application, selon pourcentage, on s'applique mingi, 20% wana, il y a présence, ils ont application. Par la suite, l'université est commis, par la professeur, oh, étudiant, nyon, ce soir, lundi, cours, yayombi, a commis très bavard. beaucoup de questions, beaucoup de questions. Oui. Université de Bokeh, il y a des étudiants qui ont besoin de cours, ils parlent beaucoup. Voilà. Faut que vous ayez vous faites très attention. Alors, Bandeko, confiance aux autres, vous avez fait ça, Félix, confiance, il y a Nini. Pour Nini, vous avez fait ça, confiance. Vous avez fait ça, confiance. Voilà, Congolais. Bato bakoya ba yibibino bake. C'est comme des gens comme des Katumbi, des gens comme des Mouzito. Ba vandi wana, ba appuyer Kabila, ba pesi Kabila force, ba yibisi bino koutou, publiquement, pourquoi nazo landa Kabila? Pourquoi nazaina Kabila? Kabila za moutou malam, moutoto wetu. Ba yibi, ba yibi, ba yibi, ba yibi, ba kei, ba yeko zonga na semblant que to longwe, to zasu na Kabila te, bo pesangali sous chance. Kaka Congolais et la plupart au Bavan na diaspora, tope sa ye chance, tope sa mouzito chance, tope sa Katumbi chance. Et yo Congolais, yo, et si kozo la vina, yo kozo chance, yo ba repè sa chance, mon colonie. Nous sommes combien? 100 millions d'habitants. Mais ceux qui sont passés, ba bébé sa, ba bongi sa, c'est fini, passé, ba tomoussou soubaya. Tope sa ye chance, tope sa ye chance. Bopé si y a chance. Lobi a kouya lissous. Bopé sa ga chance. Lobi kouna. Soki ya longwa a koufi. Mwana na ya ye. Tope sa famille o chance. Bopé si y a chance. Mais yo, mwana na yo. Bako zwa chance wana mkoloni. Poto ke negosi li sa. Merci vraiment na Bandeko. Vous avez suivi. Alandaki de Batema. Live interview lobby, il y a Ndeko na biso Kerwin Mayizo avec Monsieur Honoré Ngbanda. Je pense que tout ce qu'ils ont dit, ils allaient makambo au tozo lobaka chaque jour. Congo tozana besoin. Il y a lisanga, il y a batu oyo bakoyi ko sauver Congo. Toyebi ke Ndeko nyo sakoyi ko sauver Congo, mais na ba période il y a crise ya boyi. Ndeko so yebi ki ozana kapasite ya kosa lelo kote. Vanda pembeni. Vanda pembeni. Kako ya kwa mbruye batu na banet. Non, to salabwe. Non, azali beton. Laki sape, nandenge ni nazali beton, eloko mokote. Azali beton abengani Kabila. Mais vous savez que Kabila ye moko Kabila, physiquement, lui-même Kabila, ne peut rien en boka wana. Kabila soke azali ndenga azali force obo zali koloba, Kabila zana force. Mais force n'est où tu wapi? Force n'est où tu n'as pas Congolais? Nous avons un problème dans le système Kabila. Système Kabila est banane. Batouloko a bambosso kodian pwanga. Batouloko a député ou yobosso la bambopé sa chance. C'est ça le système Kabila. Bandeko, vous réfléchir. Ceux qui ont la capacité à réfléchir étaient Vanda Nandaku, Vanda Kimia Landa Batouba Loba. Tout le monde n'est pas obligé à koloba pona Congo. Tout le monde a obligé à koloba pona mboka. Ce que vous avez la capacité à réfléchir, ce que vous avez moutou ya domaine wana te, ce que vous avez bien l'okote na makamwana, vanda nanda ku vanda kimia, zela balamba olia. Biloko oye zali biloko ya ba initié. Tout ça, c'est Bandeko na biso bazana mboka. Eza biloko ya ba initié. Soko zali initié te na makambo oyo. Ndeko vanda calme. C'est quoi votre problème? Vanda calme. Toza na besoin unité wana ba Congolais. Nous devons sauver notre pays. C'est-à-dire que le problème na biso ezali Kabila kaka physiquement. Le problème na biso ezali Kabila système. Kabila système yango eboti ba député oyo. Kabila système yango eboti ba gouverneur oyo. Kabila système yango eboti Félix. Parce que Félix est un produit ya système ya Kabila. Ya élection frauduleuse ya Kabila. Azali fruit nango. Et ayeko démontrer yango pe que réellement azali fruit ya système ya Kabila. Parce que le système Kabila c'est la corruption, les assassinats, les attaques. Le mensonge. Alors, Félix Lokol Azali produit, fruit à système Kabila. Il est venu avec quoi? Félix est venu avec la corruption, ba mensonge, ba attaque, ba arrestation, bon le bel côté, ba machette. C'est ça le système toujours combattre. Nous, Félix, m'a expliqué Bino à maintes reprises. Nous, Félix, en réalité, Félix, personne physique dans le Bahango, Félix, c'est ce qui te perd d'ailleurs. On ne perd rien. Naïm Sakabi, non. Félix, on ne perd rien. Tu repères des caca un matamata de moins. Les gens parlent du peuple, il y a un Félix Mboukiango. Bazo Bouka Biloko, mais parler du peuple, on est allé, batou, oh, bo finga, kaba Mboutis. Ba Mboutis, ba yiba, ba yiba, ba yiba. Mais, ba Mboutis, au moins. Ce que, au tamboli, au komona, a, oh, yo Mboutou Moutatikaki. Au tamboli, au komona, non, oh, Mboutou Moutatikaki. Ce qui est bon, l'iko bunda. Bino, na ba ubwenge na bino, kadiosha na ubwenge, bozo bunda. Soki boli ko bunda. Bo bunda na pale di peuple a mobutu te. Bo kende ko bunda na likolo ba so de mouton. Bo bima bino no so mata, likolo a so de mouton, bo bunda kuna likolo totala. Na 2 ans, pale di peuple a mobutu a tonga wongo na mbula kombien. Sa fe kombien de temps, pale di peuple a mobutu e parti na Chine. Mobutu a kendeke na Chine. Faut pas y avoir tonga parler du peuple, non? Et ça y est combien de temps? Na 2 ans, oh, Félix a tongini. Salaire, na y a 2 070 000 dollars. Ce que vous voyez, chaque année, chaque année, chaque année. Multiplié par 24. Avec tonga et l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a construit? Maintenant, le peuple, oh, yo tozan en gros, oh, yo batike li biso. Bo bébé sa ngote, parce que vous êtes capable de tonga te. Félix est loka tongi zakara mozole a papa na ye. Ayibi le soso mbonga mozole a papa. Maquette ya mozole a papa na ye ndenga la kisa biso. Est-ce que yangwana mutu batongi? Maquette wala ndenga to mona ki yango ezalaki maquette moko so tali wo. Les 4 millions soki 4 millions de dollars va binisa ki. Mais lelo maquette est comme le kola hangar ya ba réfugié. Mozole hangar ya ba réfugié. Ayibi le soso c'est typique. Bon, vous voyez, vous avez papa, vous avez un mausolée. Vous avez un mausolée. Vous avez un mausolée. Vous avez un mausolée. Vous avez un mausolée. Vous avez un mausolée. Combien? 4 millions de dollars. Bon, vous avez un mausolée. Vous avez un mausolée. Vous avez un mausolée. Vous avez un mausolée. Vous avez un mausolée. Vous avez un mausolée. Vous avez un mausolée. Vous Mozolé, il y a un chef de sécurité. Et ça, Angar a réfugié. Batol. Batol, il y a combien? En tout cas, Oubwenge na Kadio Chafé Sangani. Voilà ce que ça donne. Donc, je disais donc, tout ça a besoin d'unité. Mbo Kanabiso Ezali, la situation est critique. Je vous ai dit, Bazo Bomana, Kalate Bazo Bomana. Bosse Pelaka, mais Boza la Keba Keba. Boza la Keba Keba, Bazo Bomana. To Bengani Kabila, Bo Bengani Azawapi. Azan a prison. Kabila Azan a téléphone na ye. Kabila ba 2500 militaires Azan a bango. Kabila Azali na baba arme na ye. Ba avion na ye Azan ango. To bengani Kabila. Bo bengani Kabila ke wapi? Et biloko o to bengani Kabila, to bengani ba député, to bengani bo. Mais est-ce que, je dis, longwa ki chassati ki ngakati, ça fait combien de heures? Félix a yebi nzela ki ngakati. Kabunda yebi nzela ki ngakati. Kabuya yebi nzela ki ngakati. Lelo oyo po kabundu na kabuya bazwa ba moto bazala liboso bino nyonso na ba moto na bino bokende na kingakati bon koma kingakati ezana na Corée ezana na Japon kingakati ezana na Congo wana esambele ezana na province ya Kinshasa et ça prend combien de heures pour bokoma na kingakati au lieu bokende na parler du peuple bokende na kingakati bozo ba moto bokende na kingakati so boza mibali to bengani Kabila. To bengani kabi. Bo bengani ye ake wapi. Oh gosh. Excusez-moi, cette histoire. Bobengani Kabila ke wapi? Boke ne kopanza kinga kati. Bo panza pale di peuple te. Soki bokei penza kinga kati wana pena bo panzi yango. Ah, lobi na tongo ngai na komi miluvor. Lobi na tongo ngai na komi miluvor. Alors, chers Congolais au Bovani na diaspora, ezali moto nyonso akoki kosala musala nyonso te. Soko zali inisye na makambo ya mboka, na makambo ya politiki, ekonomi, sekurite, makambo nyonso, biloko yo, seke no dizon vo concerne. Soko yebike, nzamba pesyo makoki wana tina domen wana, ndeko vanda kimya, vanda na daku. Live na yo, ba post na yo, sala petete pona bilamba, sala pona biloko kolia, sala petete pona ba voyage, sala peut-être ndengo zo tambola na ville oyo vandi, mais ne vient pas embrouiller ma peuple oyo bazo souffrir déjà. Ozali initier na makambo wana te. Nous avons besoin de tout le monde oyo bazali ba initier pour te sauver mboka na biso. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et lo ke bébé saka biso na Congo na biso, na lobaka ngo toujours que les mouvements sociaux sont anarchiques. Leader à la kati. Et ce qui est aussi yango, na culture congolaise, yango est baby saka pour que tous à la structure. Parce que Congolais n'y ont soit yak en intention, yaz à la chef, yaz à la leader. Même à la capacité, on a été aligné toujours à la leader, à la toujours chef. Yango est bon makapiso. Alors, nous appelons beaucoup moins dans les micro-locaux, que ma structure moko est au salemi. Et je proposerai que ma structure wana soit au salemi, qu'il n'y ait pas de leader. Leader à la thé. Parce qu'il y a un zo bon mabiso. Tous en a besoin de la leader pour nous voir la Congo. Tous en a besoin de contribution. Nani a koyiko yana nini. Nani akoye kosunga mboka na nini? Toza na besoin ya leader te. Parce que leader o toza na ye besoin, moto o akoye kokende, akangi Kabila, akangi Félix, abwaki bango na misika mikaoki. Ye wana leader. Mais soki jusqu'à présent, koye kosa lelo kwa na te, on n'a pas besoin de leader. On a besoin des idées constructives. Oyo e koye koye debiso. Toza na besoin ba idée wana constructive. Tout ça a besoin de liberté. Donc, biloko oyo bozo mona bato bazo attaquer, bazo finga, ce sont de petits messieurs oyo baza capables même de faire quelque chose. Qui ne comprennent même pas. Lobby be étudiant nanga nanga ba Amérique na air ya poko ya Amérique. Bazala ki na débat. Ezala ki dernière séance ya semestre débat ezala ki sur le sujet l'humain et non humain. Nani ba bengi humain, nani ba bengi non humain. Je ne parle pas ya ba animaux te. L'humain et non humain. Donc okene vite à conclure que non humain azali nyamate. Il faut que ya cour pour comprendre. Alors débat on ezala ki vraiment intéressant entre les étudiants. Je vis parce que chaque étudiant présentait projet naïe à semestre, il y a cours. Par exemple, projet, il faut qu'on remette, plus ou moins, il y a 4000 pages, pardon, que je dis moi. Il y a 4000 mots, va remettre en gros d'ici les 18, il y a moins ou moins. Alors, l'objet qui va présenter projet naïe, c'était un petit projet. Alors, dans ma présentation, il y a une étudiante burkinabé qui a présenté sur le populisme individualisé en Afrique, des leaders africains. Vraiment très intéressant. Elle est partie dans l'historique, comment est-ce que les leaders africains récupèrent ba citoyen na bango sur base ya crise économique, sur base ya ba mouvement migratoire et ba leader wana populiste ba lingi toujours ba s'éterniser na pouvoir. Ba yaka na message mon côté pour na pays, ils ne viennent pas avec un projet de société, ils viennent seulement avec les noms. Et nakati a projet na ye, elle a cité ayeko cité Machel na Zambie, ayeko cité Tshisekedi wa Mulumba na Congo, ayeko cité Kabila na Congo, na Félix, ayeko cité ba différence en ce sont Kwame Nkrumah parce que c'était des élites quand même, ayeko cité Mugabe, ayeko cité celui de l'Ouganda, Museveni. Vraiment, c'était très intéressant. Alors, ma question, il y a qui est belé, étudiant Moussous Obaza, vraiment américain d'origine, va poser ma question, mais pourquoi Ndengwana? Elle a expliqué que, voilà, par exemple, le populisme, parce que les professeurs du Congo, dans l'Olingana, le Vélakuma Kamba Congo. Ce qui a contredit, il n'a pas de problème, mais dans l'Olingana, le Vélakuma Kamba. Cette étudiante a détaillé, voilà, ce populisme individualisé, il y a un leader africain. Félix, Etienne Tshisekedi Mulumba, c'était un leader au Congo. Tout le monde a yébaki Moutouana. Ndenge na moni, Azalaki quand même ministre, ce qu'il a étudié. Mais regardez ce que je vis sur Google. Joseph Kabila, ce qui bokeye na Google, vous allez voir que au moment où il y a Botami na Lemera, ané à Botami, moi na yanani c'est fini. Et si ka tangate, et si ka salate, et loko mokote. Mais ba Congolais ba lingi ye. Et l'étudiante a dit, pour nangai na moni ke ba Congolais ba linga ki ye, il y a une partie de Congolais, ça c'est vrai. Parce que Kabila so azo ki ne bat ba landa kaye, ba zo bete yamboko raïs. Ba Congolais a ba zo linga ye, et zali problème ya éducation. Alobi Congo, namboka nanga Burkina Faso, to ya éducation, et zali na se 40%. Majorité ya bato bazali ba analphabète, bazali ba éduqueté. Yango ezo contribué na populisme individualisé ya ba leader na bango. Alobi Joseph Kabila Longwe, toye na président Moussa Tshisekedi, tiekuto photo ya Félix. Na koyeko kanga photo ya ba étudianté, c'est interdit. Aye na photo ya Félix. Abi voilà. Ça c'est le fils d'un leader. Celui-ci ndenge moko na prédécesseur na ye. Soki bokeye na Google, abotami wapi, papa na ye nani, mama na ye nani, mwasi na ye nani, c'est fini. E sika tanga ezate, musala sala ezate, eloko te. Mais les Congolais bazolandaye. Bazolandaye pourquoi? Bazolandaye pona kombo. Kombo na ye Tshisekedi. Voilà. C'est-à-dire que le populiste, leader populiste africain, bango, terrain na bango propice ezali na population o bazali na taux ya éducation ya C. Et bien sûr, ba intellectuel pe bazali, mais ce sont des intellectuels inconscients. Les intellectuels en réalité qui ont raté aussi quelque chose na parcours na bango scolaire. Vraiment, c'était très intéressant. Ndenge na vandeka na zo landa, na linga ko tia commentaire te parce que je suis du Congo, na linga ki basili sa, na pesa y conclusion na suka. Donc, ndenge na vandeke je, na vandeke ko luka moyen na, ko a resistre ango ba Congolais ba landa. Sorry. Excusez-moi, parce que eza écouteur, ça tombe toujours. Voilà. Donc, ezali mawamingi. Mawamingi. Tolanda kabakombo, même batu bavani na diaspora, balanda kabakombo, yo vani na diaspora, ouwumeli na diaspora. Vraiment, les gens qui sont à Kinshasa, na ba mensonge, ma zo manipile yo. Mais tu as raté diaspora na yo. Tu yaga na diaspora, te ka apona kolia. Il faut expérience, ya place au vandi, ozwa yango, et sali samboka na yo. C'est comme ça, ba pays ba développé, lokola ba Kore, ba Singapour, ba développé, ba Taïwan, ba développé. Diaspora, côté bakenda ki bakenda ki apona koliate, bakenda ki apona misalate, bakenda ki pe pona experience ba mboka ba vandi, po ba partage experience wana na mboka na bango. Bien sûr, de pa na biso pe experience na biso même, ya batu msusa diaspora baza la volonté au partage d'expérience nane ko nime expérience croyez-vous que ngai na kokiko miluvora koiko ndime expérience nanga akonti mangote d'abord bazo dénigrer aux professeurs et pourtant mokile mobimba ba yebi aux professeurs alors nani akondima expérience na yo partager ngaba non ozono ba mingi professeurs proposer nako proposer et pa ya nani nako proposer et pa ya nani nani akondima ma consultation à Pamba, oh, vous croyez que batu nyonso baye na consultation à Félix. Moto moko ayebisa kiye makamba minembo azati. Moto moko ayebisa kiye makamba rapport mapinga azati. Moto moko ayebisa kiye makamba présence à Barwande na mboka na biso azati. Moto moko ayebisa kiye teke na bureau na yo eza pléthorique. Ba 1000 personnes boya bandeko na yo attribue na yo azati. Mais est-ce que era yeko pesa rapport à lobby yango? Aponi makambo ezo favoriser yé ayebisi bino. Mais oh, bah, il y a qui est favorisé. Je vous ai dit, j'ai parlé avec quelqu'un, dans le PMB, docteur Mukwege. Docteur Mukwege lui a dit présence des Rwandais. Docteur Mukwege lui a dit rapport mapping. Docteur Mukwege lui a dit nettoyer ma conseiller na yo, balayer belé pour rien. Est-ce que Félix l'a dit? Parce qu'ils ont arrangé, il était à Golobayangote. Félix a lobby Makambo, oh, ils ont arrangé. Mon tropez a sous confiance, Yewana. Voilà, mes chers frères et sœurs. Et si ka tout ce qui s'y pona lelo, Yangwana. Et batou na Congo, même biso batou zana diaspora, voyez sa bande de bazana Congo, ma sala tension. Kalamingite, bozo yoka. Félix, nan de konaye kabila, bache biso na merde moko. Kalamingite bazo tangisa makila ya Kongole lisusu. Kalamingite. Na yebi sibino yango. Na yebi sibino kalamingite. Parce que les informations que nous recevons, la frontière na biso entre le Rwanda et Zali Malamute. Mais information to Zali Kozwa. Et Zali Malamute. Kalamingite. Et pourtant, Félix pouvait nous éviter ma bêtise. Il pouvait nous éviter merde. Ce qui a zalaka muta ko yoka. Bon, il y a un problème exacté. Parce que, vous voyez très bien, batu oyo bakola na ndako na bango na ma mongol, batu oyo bakola na quartier ba mongol ba zali, est-ce que ba mongol ba yoka? Mongol a yebi ki a zali handicapé. Batu bako beta yete. C'est rare na kati ya famille bozana na mongol ba beta mongol. Babeta ka ba mongol te. Oh mutu bozo beta yeyo botala nan ndega zali. Mutu bozo beta yeyo babeta ka ba mongol te. Et lokola ba mongol ba yebi ke babeta ka bango te bazalaka teti. Bazalaka teti po yebi ke bako beta yete mama okote la ye, papa okote la ye, bako beta yete. Tolubaki. Boye bi sande ko na bino. Boye bi sande ko na bino. Asa ka na kabila te. Boye misaye, deux ans yango yo, siko yo ki salome banda. Mais bino bolo ba ki salome banda, banda le premier jour, n'est-ce pas? Donc, bambongo nyonso 1 milliard 800 millions de dollars. Bambongo nyonso 600 millions à saut des moutons. Bambongo nyonso 57 millions. Ba 15 millions à l'électro commission. Ba voyage nyonso. Et zala ki nango donc escroquerie. Ki salome zala kite. Moussale zala kite. Bijo ato lobi yango. Ye moko mouto alobi ki salo me banda. Donc ki salo avant e zala kite. Alors, Kongola Zolanda toujours escroqueri oye. Bo pe sa ye confiance. Bo pe sa ye sous confiance. Tozo talabino. Mais pour nous les Congolais, nous travaillons. Et, tota anasuka. La fin justifie les moyens. Merci pour nalelo. Bo partagez vidéo. Bo partagez vos vidéos. Et, Tokutani Malasima. Allez. Bien de bonnes choses sur vous. Bye bye.